Nouvelle scène nationale, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h, l'émission coproduite par la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise et votre radio locale RGB 99.2. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h. Bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette antenne de votre radio locale RGB en direct de Cergy-Pontoise. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour toute la durée de cette émission Ferriel Bakoury, directrice de la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler de bien l'actualité de cette Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise plus largement, avec à la fois plus qu'un zoom sur la nouvelle saison qui est annoncée, qui est proposée à l'ensemble des habitants de ce territoire et de ce département, et peut-être probablement au-delà de ce département, une nouvelle saison qui s'annonce onirique et poétique, participative et engagée, festive et familiale. Voilà une marque de fabrique qui s'annonce. Une nouvelle saison, disais-je, nouvelle identité pour une nouvelle entité, fruit d'une fusion. Est-ce que j'ai prononcé le bon mot? D'une fusion à Cergy-Pontoise entre l'apostrophe et le théâtre 95. Alors, je préfère rassemblement à fusion sur le mot. Rassemblement. Je préférais ça avant de le faire et je suis convaincue que c'est ça qu'on a fait et que ça parle plus de la construction qu'on est en train de faire que du mot fusion qui rappelle les mauvais souvenirs des plans économiques les plus sordides. Et rassemblement, parce qu'il s'agit d'abord du rassemblement de deux équipes, qui est maintenant mon équipe, en tout cas je le ressens comme ça, qui est au travail depuis de nombreux mois avec moi sur ce changement, et que je sens bien, j'ai envie de dire, avec l'arrivée de la nouvelle communication, mais aussi avec le démarrage des projets, puisqu'il y a des démarrages de projets participatifs dont on va parler. Je rajouterais juste une chose à ce que tu as dit, cher José, tu as très bien qualifié la saison, mais je dirais participatif, festive, mais surtout profondément pluridisciplinaire, ce qui est l'essence même d'une scène nationale. Donc on y reviendra, mais pluridisciplinaire, c'est-à-dire retrouvant quand même, puisqu'on va parler des lignes de nouveauté, mais aussi des lignes de continuité auxquelles je suis attachée. Et donc la continuité, c'est quand même le cahier des charges de la scène nationale, c'est-à-dire la pluridisciplinarité, le fait qu'on y retrouve du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque, des spectacles jeunes publics, et que ça, c'est transversal, j'ai envie de dire, au temps fort dont on va parler. Et c'est la ligne que j'assume, puisque la programmation pluridisciplinaire était quand même particulièrement forte à l'apostrophe. Alors, on l'a déjà compris, à la fois il est question de continuité, c'est une manière de rassurer aussi ceux et celles qui fréquentaient ces deux équipements, ces deux structures culturelles sur le département, et plus particulièrement sur l'agglomération de Cergy-Pontoise ou pas? Rassurer, je ne sais pas. Enfin, c'est-à-dire que si je ne le faisais pas, je ne les rassurerais pas. C'est-à-dire que quand on change de direction, souvent, alors parfois parce que les directeurs sont arrivés à l'âge de la retraite, ce qui était le cas dans les deux cas, mais c'est aussi pour assumer un nouveau style. Et dans ce nouveau style, il y a des projets qui sont plus ou moins en rupture. Et donc, il y a des endroits où il y a eu des changements de direction en Île-de-France où c'était une rupture totale. Par exemple, on le dit du CDN des Amandiers, c'est assez vrai. Moi, j'aimais bien l'ancienne direction et j'aime bien la nouvelle. Moi, je me mettrais dans une volonté plutôt, en effet, de continuité vis-à-vis de l'apostrophe sur la question de la pluridisciplinarité des spectacles et d'un certain type de spectacle dont on parlera tout à l'heure, sinon on va faire toute l'émission tout de suite. Absolument. Vis-à-vis du théâtre 95, beaucoup vis-à-vis des écritures contemporaines et des jeunes artistes qui y étaient programmés, même s'il y en avait aussi à l'apostrophe. Donc j'assume bien ça. Ça aurait peut-être été différent si j'avais été dans un autre endroit ou dans une scène. Et puis arrivant, ce qui s'est passé du coup sur le territoire, parce qu'il y a le avant 23 août où on rêve son projet, en recueillant des données théoriques sur le territoire. Et puis il y a l'après 23 août où on rencontre l'équipe, le territoire, et où on repense son projet. Et dans la repensée du projet, j'ai affirmé certains points dans la question des nouveautés que j'expliquerai tout à l'heure. Il y a des choses qui ont bougé, mais j'ai aussi affirmé des liens de continuité que je n'avais pas imaginés au début. continuité, on a bien compris, bien entendu, mais aussi pour construire, pour concevoir cette nouvelle saison 2018-2019. Elle va également s'appuyer, ce sera une forme de point d'équilibre aussi, avec des différences et surtout des nouveautés. Parmi ces nouveautés, trois temps forts, Foot en scène, Génération, hélas en trois parties, à trois occasions au cours de la saison, et troisième temps fort, Art et Humanité. Alors juste, on comprend bien que c'est l'occasion de décliner son projet artistique pour cette nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise. Et venons-en sur ces nouveautés à Foot en scène. Foot en scène, ça me rappelait effectivement à juste titre, et je l'ai lu également dans la brochure qui détaille la programmation de cette nouvelle saison, invitation à se rendre au théâtre comme à une rencontre sportive. Ça paraît curieux de se poser cette question. Et en même temps, eh bien, on découvre que c'est une démarche à laquelle les habitants de Cergy-Pontoise et au-delà vont être invités avec ce foot en scène. Alors, ça, par exemple, cette histoire de foot en scène, allez, c'est super que ce soit au début de la saison. C'est un peu hasard parce que c'était lié. J'aurais préféré faire ce foot en scène au moment de la Coupe du Monde de foot féminin qui aura lieu en juin, mais la disponibilité des spectacles se faisait là. Donc, foot en scène, c'est un exemple ultra intéressant parce que à la fois c'est nouveau et c'est pas nouveau. C'est-à-dire que les deux des spectacles qui sont programmés dans cette programmation auraient très bien pu être programmés, notamment par Jean-Joël Le Chaplin dans le cadre de la programmation de l'Apostrophe, mais le fait de le rassembler dans un temps fort, ça permet quoi ? Ça permet que nous puissions rassembler les problématiques qui unissent ou pas la question du sport, du foot et du théâtre et de l'art, puisqu'il n'y a pas que du théâtre. Et donc du coup, comment m'est venue l'idée de ce temps ? Tout simplement parce que quand vous voyez 270 spectacles par an, ce que je fais, vous remarquez par année qu'il y a des thématiques qui sortent. Et là, en l'occurrence, l'année dernière, au Théâtre de la Colline, Mohamed El Khatib a créé Stadium, qui a créé un événement dans le milieu culturel et sportif, que, vous le savez, dans mon projet, moi j'ai à cœur de décloisonner les mondes, et que c'est vrai qu'il y a un peu une sorte d'opposition parfois un peu classique que traite Mohamed El Khatib entre la culture populaire et la culture savante. Et que là, au Théâtre de la Colline, dans le cadre du Festival d'automne à Paris, nous étions tous en train de regarder un spectacle sur le foot avec des supporters de Lens, que ce spectacle montrait la joie et l'euphorie que provoque le foot, joie que personnellement je ne ressens pas quand je regarde des matchs et que j'ai ressenti en voyant un spectacle de théâtre. Et donc du coup, je me suis dit, j'ai absolument envie de faire ce spectacle, de le montrer à Cergy, à la Nouvelle Scène Nationale, et ça serait génial au Louvret. Et puis, je me suis dit aussi, forcément, c'est un endroit génial pour faire discuter et venir des populations différentes, c'est-à-dire des amoureux du foot, mais aussi des amoureux du théâtre, sachant que moi je suis plutôt du côté des amoureux du théâtre, et de les faire se rencontrer, polémiquer, parce que beaucoup de gens de la culture n'ont pas aimé ce spectacle de foot, ils ont considéré que les gens du foot étaient mal représentés, méprisés, et les gens du foot ont eu apparemment, pour ceux que j'ai vus, puisqu'il a beaucoup tourné ce spectacle, de la joie à voir le foot montré au théâtre. Et du coup, pour moi, ça crée un vrai endroit intéressant du cœur de mon projet, c'est-à-dire amener des gens différents sur le terrain de l'art, et amener les gens du terrain de l'art à s'interroger sur comment évolue la société, quels sont les enjeux, et le sport fait partie des choses qui sont les plus aimées et passionnées dans le monde entier. Alors, du coup, il y a ce stadium, il y a une forme qui va avoir lieu qui s'appelle football, qui est mise en scène par une plasticienne qui s'appelle Veronica Tsevoka. Pourquoi une plasticienne fait ça, on pourrait se le demander, en espace public, dans des stades de Cergy et de Pontoise. Et donc, cette forme, elle consiste à créer des équipes de footeux et non-footeux qui vont être mis en situation pour finalement parler des règles et des frontières qui ne sont pas que celles du foot. C'est une forme qui a tourné partout dans le monde, mais notamment aussi en France. Moi, je l'ai vu à Montpellier dans un festival, et c'est vrai que c'est génial, surtout à Cergy-Pontoise où je suis depuis 10 mois, où on m'explique que Pontoise, c'est pas pareil que Cergy, que c'est pas les mêmes gens, que c'est pas les mêmes populations, et que tout le monde a sa théorie là-dessus. Il y a ceux qui pensent que c'est perméable, que c'est pas imperméable. Enfin bon, et du coup, je me suis dit, bah, football, c'est génial, ça va parler de ça. Et là, pour vous donner un avant-goût des choses qui se constituent, puisque l'équipe de relations publiques est à fond sur la constitution, bah, il y a une équipe de l'université qui va se constituer. Il y a aussi plusieurs équipes qui viennent des associations sportives. Et donc là, on voit déjà le mélange des univers se créer. Puis la dernière forme, c'est Michael Philippot. Alors Michael Philippot, il est venu avec Chorus à l'Apostrophe. C'est un chorégraphe qui, lui, montre un spectacle sur le football féminin. là aussi un peu de polémique. Est-ce que le foot appartient aux hommes? Est-ce que c'est qu'un univers masculin? Et ça s'appelle Footballeuse et c'est joué par des jeunes femmes qui font du foot et c'est un spectacle formidable sur l'univers féminin du foot. Donc ces trois spectacles, ils font un temps fort, mais ce n'est pas que ça. On va créer alors autour de ça une espèce d'atmosphère, d'ambiance, de vie du lieu qui est encore en construction avec les associations qui vont se mobiliser sur ce projet à travers les équipes de foot qui vont se constituer sur Véronique Katsevoka, mais aussi à travers des débats, justement, qui mettront en avant ce que je dis dans la brochure, le lien entre sport et théâtre, il y en a, et qui sont finalement deux cultures. Oui. Voilà, enfin, je veux dire, ne soyons pas... Dans les deux cas, on peut parler de la beauté du geste et le sens, il y a du sens chez les uns comme chez les autres. Il suffit simplement, de décloisonner, on a bien compris, l'une de ces intentions, et au-delà des intentions, des propositions qui sont faites à l'affiche de cette nouvelle saison. Nouvelle scène nationale, l'émission sur RGB 99.2 et radio-rgb.net. Autre temps fort, là où on décloisonne aussi les idées reçues au niveau du rapport entre le public et les offres culturelles, c'est l'intergénérationnel, c'est-à-dire amener davantage les jeunes à franchir la porte des théâtres et au-delà même des théâtres, de pouvoir être en meilleure relation avec le spectacle vivant en général. Génération, c'est trois rendez-vous qui vont être proposés au cours de la saison. L'occasion de mettre en avant la créativité et la vitalité, car c'est pas toujours l'image qui ressort dans la société, alors qu'il suffit d'ouvrir un peu les yeux. La jeunesse sera mise à l'honneur au travers de cette nouvelle programmation. Oui, alors c'est en jeunes, ils ont fait pas mal discuter. Alors c'est vrai que c'était un axe très important pour les tutelles qui m'ont choisi, c'est-à-dire l'État, le département et puis l'agglomération, que nous travaillons en direction des jeunes. Alors dire quand même que les jeunes, je le redis, ils sont très représentés dans la scène nationale. Un tiers de notre public scolaire vient de partout dans le Val d'Oise et donc ils sont déjà archi représentés, notamment par les dispositifs d'éducation artistique nombreux, forts et constructifs. Et c'est il faut élargir. Alors c'est justement pour ça que c'est intéressant de commencer avec ça. Alors du coup, ces trois temps jeunes qui ne s'adressent pas du tout qu'aux jeunes, et je dis pas ça pour rattraper, j'allais dire, ceux qui ne seraient pas jeunes. On va pas définir à partir du moment auquel on est jeune ou pas jeune. En tout cas, j'ai décidé d'appeler ces temps jeunes génération, avec un S. C'est un peu comme sur l'histoire du temps foot, c'est plutôt l'idée d'attirer l'attention sur des thèmes et de créer des portes d'entrée. C'est-à-dire que les temps forts, ils donnent des portes d'entrée plus visibles à des publics. C'est-à-dire si vous vous appelez un temps fort foot en scène, ceux qui aiment le foot vont se dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas ?» En gros, si vous appelez génération, on va comprendre qu'il y a un enjeu générationnel. Et donc, du coup, ce que j'ai voulu... Alors ça, c'est le fruit de l'arrivée. C'est-à-dire, quand je suis arrivée ici, beaucoup m'ont dit « Mais pourquoi les jeunes ?» Alors j'ai dit « Pourquoi les jeunes ?» Parce que d'abord, il faut toujours penser dans tous les lieux au rajeunissement du public, parce que c'est naturel, parce qu'il faut que nos jeunes aient envie de continuer après le... la période scolaire, et que c'était une vraie interrogation pour moi déjà à Montreuil précédemment, et que donc du coup ces temps forts jeunes, ils rassemblent une proposition souvent musicale. Alors je vais faire le lien avec les partenaires, parce que je ne peux pas dissocier les partenaires des temps forts et de la programmation. Donc l'idée, c'est que si on pense à la culture jeune, on sait très bien que la culture musicale est peut-être la première, ensuite on a la culture urbaine, hip-hop, ensuite on a la culture des jeux vidéo. Et donc là-dedans, il faut quand même parler d'art et être dans l'art. Et donc du coup, il m'a semblé évident de travailler avec l'Observatoire à Cergy. En plus, il est hors les murs. Notamment important de travailler avec le Forum. Et c'est vrai que... De Vauréal. L'association La Ruche aussi, j'ai l'association vu. La Ruche, qui est ultra présente et proche de nous. Et aussi avec Visage du Monde, qui est assez présent dans notre programmation. Et donc, à eux tous, ils avaient des domaines de spécialité. J'allais dire que La Ruche est plus sur la question des musiques, le Forum et l'Observatoire, évidemment, avec des partis pris différents. Et puis, Visage du Monde sur la question des cultures urbaines. Donc, ça veut dire qu'avec ces partenaires, on a en effet construit une programmation, pour le dire vite, où on trouve, dans le premier temps fort, qui est fin novembre, notamment la programmation de Panda Dub, qui est un concert d'inspiration, on va dire, électro, en face de Crowe de Gisèle Vienne. Alors Crowe de Gisèle Vienne, c'est pas du tout un spectacle forcément spécialement pour les jeunes. Gisèle Vienne, elle a été programmée à l'Apostrophe, c'est une chorégraphe exceptionnelle qui tourne partout dans le monde, qui fait des spectacles plastiques et chorégraphiques magnifiques, uniques. Pourquoi j'ai mis Crowe dans ce temps jeune? Parce que Crowe, c'est rien d'autre qu'une rave et une fête, et que je me suis dit, il faut que les jeunes se rendent compte que les artistes du spectacle vivant, qu'ils ne connaissent pas et qui ne sont justement pas dans les univers urbains, musique, etc., créent des choses qui leur parlent. Et ça, il y en avait de nombreux dans la programmation précédente de l'Apostrophe, sauf que mettre Crowe dans un temps jeune, c'est signifier aux jeunes qu'ils peuvent eux aussi venir et faire un appel du pied aussi à ceux qui sont déjà le public constitué de l'Apostrophe pour qu'ils viennent se mélanger au public jeune pour découvrir Crowe, qui est une espèce de fête rave party incroyable. C'est le spectacle, Crowe, qui m'a le plus époustouflé cette année. Les 15 premières minutes de spectacle, c'est juste un chef-d'œuvre. Voilà, on rentre dans une rave, même quand on ne l'a jamais vécu, on la vit avec eux. Et le troisième spectacle, c'est Tout d'abord la Horde. Alors, Tout d'abord la Horde, c'est quoi? C'est un collectif de jump style européen. Les Français du groupe viennent du Val d'Oise, ils me l'ont dit. Ils ont passé leur jeunesse aux Trois-Fontaines. C'est un collectif européen qui cultive ce genre, le jump style, qui est issu des réseaux sociaux et aussi du jump, et qui sont plutôt en espace urbain et qui maintenant ont une notoriété, j'ai envie de dire, de chorégraphique, puisqu'ils sont programmés au Théâtre de la Ville, à la Maison des Arts de Créteil. En effet, ils sont quand même un type de culture nouvelle intéressante. Donc ce mélange Panda Bub, Crowe et Tout d'abord, c'est vraiment l'exemple de ces temps jeunes qui associe une programmation musicale et urbaine, mais aussi des spectacles entre guillemets normaux, pour qu'il y ait une circulation des jeunes et des moins jeunes, avec en plus en parallèle toujours montrer, alors là ça passe par la ruche notamment, les pratiques jeunes, c'est-à-dire que sur ce premier temps fort commencera ce qu'on appelle ces premières scènes musique que vous connaissez, puisqu'elles ont lieu au Forum de Vauréal, et que en réalité l'idée là avec la ruche, c'est de faire une sélection de jeunes musiciens un peu plus, je veux dire, peut-être un peu plus repérés par eux, pour que dans les trois temps forts ils puissent montrer leur travail en amont de ces spectacles. Alors il se reproduira la même chose avec Ousmane Sy et des ateliers amateurs. Il se reproduira la même chose, puisqu'en fait, ce qu'on peut dire, si je veux parler des trois temps forts et pas y passer trois heures, on retrouve cette structure. Spectacle musique, spectacle urbain, spectacle qui pourrait être dans une programmation générale, et pratique jeune. Et donc la pratique jeune, elle s'ouvre au collectif La Horde, elle s'ouvre à Kerry James, qui va, dans le deuxième temps fort, créer des ateliers de prise de parole, d'éloquence, c'est ça, c'est des ateliers d'éloquence, et aussi des ateliers de hip-hop avec Ousmane Sy, qui est le nouveau directeur du CCN de Roubaix, pour dire que le hip-hop est vraiment loin d'être enfermé dans une culture qui n'aurait pas une reconnaissance artistique forte, et c'est important de le dire à Sergi, où il y a quand même une forme de tradition du hip-hop. Voilà. On a bien compris que ces temps forts, c'est le principe d'ouvrir la culture au plus grand nombre. Avant on disait la culture pour tous, ça reste toujours effectivement une direction pour programmer ces spectacles à l'affiche de cette nouvelle scène nationale de Sergi Pontoise. Le temps est court nécessairement dans cette émission, c'est-à-dire on va peut-être être un peu plus en accéléré sur les arts et humanités, troisième temps fort de cette nouvelle saison Feriel Bakoury. Alors, je dirais juste sur les jeunes, attention, il y a trois temps forts, même s'il y a une ligne génération. Et donc, du coup, ça fait cinquième temps fort, art et humanité. Là, c'est au mois de mars prochain. Voilà, le foot en scène, c'est une fois. Et les trois temps forts, peut-être on pourra les dire tout à l'heure les dates, parce que je ne les ai pas en tête, mais c'est important. Et ensuite, art et humanité en mai. Alors, art et humanité, c'est un temps qui est très important pour moi. Là, l'idée, elle est de croiser à la fois l'idée que, évidemment, que les artistes, dans leur création, créent des œuvres qui sont au cœur des préoccupations internationales et mondiales, et qu'ils s'adressent au monde et qu'ils parlent du monde et qu'ils ont une prise sur le monde, et que ça on le sait très bien quand on voit un peu de spectacle de théâtre et de danse, et que donc du coup en effet dans ce temps fort art et humanité il y aura un certain nombre d'œuvres dont des artistes qui ont parfois déjà été programmés. Donc il y a Yann Duvenda qui va présenter deux œuvres importantes, Action, qui est une forme performative participative qui associe des réfugiés qui seront cherchés sur le territoire local avec des associations humanitaires qui s'en occupent, avec un public Et à l'intérieur de ça, Yann Duvanda va créer une sorte d'agora autour du sort des réfugiés, dans lequel le public n'aura pas le droit de dire ce qu'il pense, mais devra poser des questions. Moi, je l'ai vu au musée de l'immigration à Paris. C'est extrêmement frustrant parce que forcément, les gens qui viennent voir ce projet ont une certaine empathie pour le sort de ces pauvres réfugiés. Mais en même temps, elle nous amène à réfléchir, tout comme Still in Paradise, qui est une autre forme de Yann Duvanda, qui montre à travers le regard, je veux dire le prisme de deux personnages, puisque Yann, qui est un performeur suisse, a créé cette forme il y a une quinzaine d'années après le 11 septembre et a voulu la reprendre après les attentats des Bataclan. Cette forme, il l'a recréée en Avignon l'année dernière. Et dans cette forme, lui, il incarne l'Européen et son ami Rachid incarne un musulman pacifiste et ils alternent de conversations et de plateaux autour des images que nous aurions de l'islam et de clichés que nous pourrions avoir, notamment avec, après la période attentat. Et pour compléter, les autres spectacles sont en lien avec d'autres enjeux, le monde économique pour Beyond Caring, qui traite de la précarité au travail. Europium est une métaphore, j'ai envie de dire, de la situation de l'Europe à travers le radeau de la Méduse. Et Ilos Huesos parle du sort des disparus en Argentine. Donc tous ces spectacles ont des thèmes extrêmement différents, sinon qu'ils sont en prise directe avec le monde, et que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que leur forme, parce qu'on est quand même dans une maison d'art, et ce sont toujours des formes contemporaines, puisque j'ai envie de dire, si on m'entendait débattre sur le temps art et humanité, on pourrait se dire, mais tiens, elle parle de politique, elle parle d'enjeux sociaux, et en quoi ça fait théâtre, en quoi ça fait art? Ça fait art parce que c'est des artistes contemporains et des créateurs importants qui sont en tournée partout dans le monde, et que c'est bien ça qui légitime que dans les maisons artistiques, on puisse avoir ce genre de débat. Alors, deux grands partenaires quand même de Stanford, c'est l'Université de Cergy qui est pleinement investie sur le temps art et humanité. Certains des cours vont être délocalisés à la scène nationale. Les artistes vont se mélanger avec les humanistes pour débattre autour des thèmes que je viens d'évoquer. L'école d'art et l'ESSEC vont accueillir Action. Et l'école d'art va offrir un œil justement sur ce que je venais de discuter, c'est à savoir pas simplement sur de quoi traitent les artistes aujourd'hui, quels sont les contenus, les sujets, mais comment les artistes traitent aujourd'hui de ces questions-là. Et enfin, la vie associative locale sera toujours extrêmement présente, puisque vous imaginez bien qu'autour de la question des réfugiés, autour du lien entre la communauté musulmane et la communauté française classique, il y a beaucoup de débats qui s'installent sur l'interreligieux, et donc on travaillera avec les associations qui ont envie de discuter ces débats avec nous, ce qui fait que, je retourne sur la question de la place publique de l'Agora, c'est comment une scène nationale réunit des populations, des associations, une université autour d'œuvres artistiques qui nous parlent des grands enjeux d'aujourd'hui. Voilà. On voit bien, et surtout on entend qu'il y a une foultitude de propositions à découvrir à l'occasion de cette nouvelle saison, avec en particulier ces trois temps forts, dont l'un est en trois temps, on l'a bien compris, Foot en scène, Génération 1, 2 et 3, et Art et Humanité. Pour avoir en détail les lieux et les dates de spectacle, je vous renvoie d'ores et déjà vers une adresse internet, toute nouvelle adresse internet, le nouveau site de la Nouvelle Scène Nationale au www.nouvellescenenationale, en un seul mot tout attaché, nouvellescenenationale.com. Et vous pouvez d'ores et déjà vous procurer la plaquette programme, la brochure pour cette nouvelle saison 2018-2019 de la Nouvelle Scène Nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise, dans tous les lieux, à savoir le Théâtre des Louvrais, à savoir le Théâtre des Arts à Cergy, et à savoir aussi au Théâtre 95 à Cergy, centre, grand centre. Voilà, et je pense qu'on va trouver cette brochure dans d'autres espaces publics aussi sur le territoire. Je peux rajouter deux mots là-dessus. Alors, on fait même, Arnaud pourrait en parler, l'opération Parasol. L'opération Parasol, c'est quoi? C'est que l'équipe relations publiques, accueil, communication, sort devant ces théâtres pour expliquer les spectacles à ceux qui ont envie d'avoir des renseignements sur les contenus, commencer à discuter des formules avantageuses d'abonnement. Et donc, c'est l'opération Parasol qui existait déjà l'année dernière. Et donc, ça veut dire que l'équipe est à votre service sur des horaires qui sont bien spécifiés pour vous expliquer les contenus et aussi comment on peut s'abonner. L'autre chose, c'est peut-être dire que dans quelques jours, il y aura un site, parce qu'il y a ceux qui aiment le papier, puis il y a ceux qui allaient sur Internet. Donc voilà, c'est normal. Et donc le site va bientôt aussi apparaître sous sa nouvelle forme. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, cependant, à l'heure où on écoute cette émission, c'est toujours l'ancien site qui est en service. Je pose la question directe. Il y a une page d'accueil qui renvoie... accueille au nouveau site qui sera en ligne vendredi. Voilà. C'est en direct. C'est en direct. On fait un petit instant de relâche et on se retrouve dans les instants à venir. Nouvelle scène nationale, l'émission sur RGB 99.2 et radio-rgb.net. Aujourd'hui, en compagnie de Ferriel Bakoury, directrice de la Nouvelle Scène Nationale de Cergy Pontoise. Alors, on a évoqué effectivement les grandes tendances, les grands temps forts qui marqueront cette nouvelle saison 2018-2019 à la Nouvelle Scène Nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise. Il est peut-être bon aussi d'ajouter dans ces nouveautés, voire dans la continuité, pour le coup, c'est Ferriel Bakoury qui nous dira, il est question de spectacles participatif avec l'idée effectivement d'associer davantage les habitants tant à la vie de ces théâtres que de la créativité de manière plus générale. Oui. Alors, autrefois, nous avions les spectacles et puis de l'autre côté, l'action culturelle, ce que nous avons toujours et ce qui est très représenté par l'éducation artistique, ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des artistes qui ont envie de mettre les habitants au cœur de leur création et qui font des créations avec ça. Et ces artistes, forcément, ils changent la donne, parce que ça permet à des gens qui aiment l'art, mais aussi à des gens qui ne s'y intéressent pas, d'y entrer. L'exemple parfait, c'est Atlas, que nous sommes en train de construire, qui se passe merveilleusement bien. Nous avons fait la première réunion il y a environ une semaine. Et donc, Atlas, c'est quoi? C'est 100 personnes qui vont être sur le plateau des Louvrais pour raconter leur métier, leur place dans la cité. Qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe de relations publiques est partie à la recherche de gens extrêmement différents, et nous avions 75 personnes, pas encore 100, on peut faire un petit appel, qui sont venues parce qu'ils avaient très envie de raconter leur métier. Sur les 75 personnes, il y avait 7 personnes qui fréquentaient la scène nationale. Donc là, vous voyez tout de suite l'envie que des gens ont de se raconter, et en même temps, la possibilité de rencontrer pour nous tout de suite 70 personnes nouvelles. Donc Atlas, c'est un projet type. Le projet football, j'en ai parlé tout à l'heure, donc repensez-y, c'est la constitution des équipes. Ces projets-là, il y en aura très régulièrement au cours de mes saisons de programmation, parce qu'ils ramènent une autre relation aux gens et permettre à des gens, la directrice de la maison de quartier des Louvrais m'a dit, Ferriel, tu m'as imposé Atlas, je l'ai imposé au quartier des Louvrais. Ça m'a fait rire qu'elle me le dise l'autre jour. C'est Nathalie Le Gall, je suis contente de la citer aujourd'hui, et elle est venue avec 7 personnes de quartier qui ne viennent jamais. Donc ça crée des aventures merveilleuses, de relations avec des gens qui ne sont pas habitués à venir voir des spectacles. Mais on espère qu'ils en verront après. Voilà. Très bien, pour cette orientation et cette affirmation en direction des spectacles participatifs. Parmi les spectacles de la nouvelle saison, on ne peut pas tous les citer car la saison est bien longue et avec une importante proposition en termes de spectacles. Cependant, il y a des fondamentaux qui vont s'imposer au cours de cette nouvelle saison, parmi lesquels Festen, un spectacle où il est question d'une performance filmique, où là, effectivement, on a une proposition, un véritable défi artistique et technique que l'on peut situer entre théâtre et cinéma. Oui, alors Festen, là j'en appelle à la qualité de la programmation pluridisciplinaire de mon prédécesseur, mais Cyril Tess, il a été déjà programmé. Apostrophe. Donc Cyril Tess, c'est un des plus grands metteurs en scène aujourd'hui français. Et donc il a cette création de... Il est venu avec Nobody, à l'apostrophe. Et il a cette particularité, c'est qu'il crée de manière magistrale des œuvres qui croisent théâtre et vidéo et cinéma. Et Festen, c'est le film Festen que vous connaissez pour certains d'entre vous, qui est cet horrible film dans une famille danoise où au cours d'un repas, un des fils déclare... avoir été violé par son père avec la complicité de sa mère, et donc toute l'intrigue est fondée autour de cette histoire de famille, et il retransmet, je l'ai vu au théâtre de l'Odéon l'année dernière, absolument de façon magnifique cette œuvre, et c'est vrai que c'est un grand moment de théâtre parce que c'est toujours compliqué de reprendre au théâtre des films qui fonctionnent complètement, on est complètement pris comme dans le film, et c'est vrai que la qualité de la mise en scène et des interprètes est tout à fait exceptionnelle. Mise en scène de Cyril Tess, ça sera au mois de novembre, les 14 et 15 novembre prochains au Théâtre des Louvrais à Pontoise. Chaud, là, avec un spectacle qui nous est proposé par un très grand chorégraphe israélien, si on dit l'une des stars de la création actuelle. On se situe entre rêve et cauchemar, dans des atmosphères féliniennes et un tourbillon magnétique. C'est dire que là, on va être un peu bousculé. Alors, Ophèle Schechter, en effet, il n'a pas été, je pense, programmé à l'apostrophe, mais c'est un des grands metteurs en scène qui aurait pu l'être. Et c'est un metteur en scène qui offre, un spectacle chorégraphique qui est tout à fait intéressant, mais qui est aussi qui est spectaculaire à voir. On dirait que les danseurs, je ne sais pas comment vous dire, sont dans les airs. Je ne sais pas comment qualifier ça. C'est en danse que j'ai vu de plus impressionnant les 3 dernières années. Et que dire d'autre ? Allez le voir. Les lumières sont magnifiques. Et ça nous raconte le monde d'une façon complètement éblouissante. Donc c'est époustouflant. La danse, on ne peut pas rater ça. Voilà, c'est les 20 et 21 novembre prochains au Théâtre des Louvrés à Pontoise. Kirina. Là, c'est un spectacle événement qui est programmé dans le cadre des escales danses en Val d'Oise. Un spectacle en forme de tragédie pour 9 danseurs, 1 comédien, 2 chanteuses, 4 musiciens et 40 figurants locaux. Attention, spectacle. Oui, alors Kirina, c'est Serge Aimé Koulibaly, c'est ce chorégraphe africain qui est déjà venu cette année avec Calcutta République. C'est vrai que dans le cadre d'Escale, le groupe Escale, qui est vraiment un groupe exceptionnel de co-construction de projets dans le Val d'Oise, ont voulu un événement qui puisse être en lien avec l'Afrique et qui puisse intégrer des amateurs. Et c'est vrai que Kirina nous a été proposée et que ça va être créé là, au Festival de Marseille, qui est un festival de danse très prochainement. Et que ça allie, la qualité de chorégraphie de Serge Aimé Koulibaly, la chanteuse Rokia Traoré, c'est elle qui est sur le plateau. Et en effet, 40 amateurs qui seront sur le plateau et choisis à Garges, et donc c'est vrai que ça va être un grand moment, grand événement qu'on peut ne pas rater, qui sort l'événement du cadre forcément, j'ai envie de dire, d'un spectacle repéré du répertoire, mais qui crée un lien peut-être plus ténu avec les enjeux du territoire. En tout cas, c'est ce qu'ont voulu mes collègues d'Escale. D'autant que la particularité aussi, c'est que le tout a été imaginé, créé à partir d'un livret écrit avec l'économiste et universitaire Felwine Sarr. Ouais, qui est quelqu'un de formidablement intéressant, qui réfléchit les enjeux de l'Afrique et de l'identité africaine de manière très brillante. On aimerait d'ailleurs pouvoir l'inviter, puisque c'est quelqu'un de formidable. Et donc oui, tu as raison de souligner cette particularité fort intéressante. The Great Tamer, est-ce que j'ai bien prononcé, entre danse et théâtre, avec là, cette fois-ci, un autre chorégraphe. Il est d'origine grecque, Dimitris Papayannou. The Great Tamer, c'est un peu un des événements du Festival d'Avignon dernier. C'est vrai qu'on découvre Dimitri Papadrianou. Ça croise, alors tu as dit danse, musique, mais aussi art plastique. On peut très facilement voir des liens vidéo si on tape sur le site. C'est un spectacle éblouissant, c'est-à-dire qu'on est comme au milieu d'un tableau, et c'est un spectacle complètement hybride et fou qui génère une émotion folle. Et je dirais qu'avec Shaw, c'est pour moi des spectacles tout à fait exceptionnels qu'on ne peut pas rater. Et c'est vrai qu'on se réjouit de la créativité en Grèce, puisqu'il y a des chorégraphes, il y a des metteurs en scène de théâtre, et que The Great Tamer est un grand, grand spectacle, qui est d'ailleurs repassé à la Villette cette année. Avec effectivement un tas de références picturales, hommage aux plus grands maîtres européens comme Magritte, Raphaël, Botticelli, Le Greco et bien d'autres. Ouais. Un spectacle qui a été créé en 2017 au Festival d'Avignon, donc qui va être donc accueilli en mois de février prochain, les 21, 22, 23 février au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Toujours parmi ses fondamentaux à signaler, à proposer, à suggérer, Les Démons, sur une adaptation et une mise en scène de Sylvain Creusevold. Alors Sylvain Creusevold, il est déjà venu à l'apostrophe, c'est un petit peu comme Cyril Test, c'est la jeune génération de metteurs en scène ultra brillants qui ont une vraie écriture de plateau. Il a présenté notamment un spectacle qui a eu un succès fou, qui s'appelait Notre Terreur. Bah là, il s'attaque aux monstres, les démons d'Ostoïevski. Donc, je sais que beaucoup des spectateurs ont encore besoin d'avoir des œuvres qui fassent référence à des classiques. Donc, c'est vrai que ça va être très curieux de voir Sylvain Creusevold, qui est un metteur en scène, j'ai envie de dire, qui affronte les œuvres qui monte des grandes œuvres. Il a monté Le Capital, Karl Marx, et là, Les Démons d'Ostoïevski. Moi, ça me rend très curieuse. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, puisque ce n'est pas créé, mais ça se fera dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Tout en étant dans l'art, effectivement, ce qui est une de ses spécialités, dans l'art d'interroger le présent, c'est-à-dire de ne pas simplement être dans la représentation d'un classique. D'une œuvre passée, tout à fait. De donner du sens, c'est exactement ça, à une œuvre classique. Pour moi, les classiques intéressants, c'est quand le metteur en scène arrive à tirer le fil avec le monde aujourd'hui, ce qui n'est pas facile, puisque c'est des œuvres qui sont plus montées que d'autres. C'est moins le cas des démons. C'est quand même pas la, voilà, c'est pas l'avare de Molière, mais en tout cas, oui, tout à fait. Un roman, à l'origine, qui est une véritable critique lucide de toutes les idéologies, et c'est les questions de l'engagement politique. Et là, effectivement, le lien avec le présent est à faire plus facilement. C'est à l'affiche les 12 et 13 février prochains au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Enfin, parmi ces fondamentaux, on aurait pu en citer d'autres, mais retour à Reims sous la direction de Thomas Ostermeyer, avec une fresque sociale et familiale qui nous est proposée. Bah, tu as presque tout dit, alors peut-être dire que Thomas Ostermeyer est aussi déjà passé l'apostrophe, que c'est un des metteurs en scène allemands les plus importants. C'est un très très grand metteur en scène, donc là c'est pareil, quand il s'adresse à Retour à Reims, ben on est, enfin quand il va monter Retour à Reims, forcément ça suscite une nouvelle vision de ce texte-là, que l'actrice principale c'est rien de moins qu'Irène Jacob. Grande actrice. Une grande grande actrice, mmh. Et que donc oui, ça sera un événement majeur de projets qui passeront ailleurs à Paris, mais qu'il est important d'offrir sur le territoire... au Sergi Pontin, parce que c'est tout à fait je veux dire, le genre de projet que je veux pouvoir encore offrir à notre public et dans lequel il va se retrouver. Voilà. C'est à l'affiche pour ce spectacle Retour à Reims, les 22 et 23 mai prochains au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Alors, je me permets d'ajouter comme question finalement, pour ceux et celles qui sont à l'écoute de cette émission, et qu'en est-il des partenariats qui, au travers de l'histoire de la scène nationale de Sergi Pontoise, ancienne formule, existaient, je pense à Jazz au Fil de l'Oise, je pense au Festival Théâtral du Val d'Oise, je pense avec d'autres comment dire événements de dimension départementale. Est-ce que c'est... Ils sont tout à fait dans la saison, tu as bien fait de le dire. Festen est programmé dans le cadre du Festival théâtral du Val d'Oise, et donc j'aurais dû le dire, tout comme le spectacle d'Élie Châteauret que je ne raconterai pas mais que vous retrouvez dans la brochure. Le Festival Baroque est là avec un projet de Béatrice Massin. Alors ça, par exemple, le Festival Baroque, c'est, je ne l'avais pas imaginé avant d'arriver. Puis quand je suis arrivée ici, je me suis dit, bon, bah, c'est une tradition, il faut continuer. Le Jazz au Fil de l'Oise, et ben on a une formidable création, c'est la création d'Eve Risser qui va ensemble, et puis l'ouverture du festival aura toujours lieu ici. Enfin, je veux dire, je n'ai arrêté aucun partenariat parce qu'il ne me semblait pas juste de les arrêter. Donc il y a la création d'Eve Risser qui reliera donc le groupe White Desert Orchestra, un groupe de musiciennes maliennes, et 100 choristes, chanteurs du Val d'Oise pour créer cette grande création, en plus de l'ouverture du festival. Et puis, il y a également le Festival Imago, festival autour du handicap, qui nous permettra de présenter, dans le cadre de son ouverture, Dévaste-moi, qui est un spectacle de Johan Hibert et Emmanuel Laborie, qui a eu un succès fou à Paris l'année dernière. Et quand on parle d'un spectacle qui parle des handicapés, qu'on dit qu'il a un succès fou, c'est-à-dire qu'il n'est pas qu'enfermé, j'ai envie de dire, dans la communauté des gens qui s'intéressent au sort des handicapés, mais il a eu un succès général sur tous les publics. Donc voilà ce qu'il en est, d'évidemment, la poursuite de nos partenariats, comme avec Piano Campus, qui continue à être présent dans la programmation. Prolongeons notre propos, puisque vous avez évoqué le nom de Eve Risser. Il y a à l'affiche de cette nouvelle saison 4 artistes en résidence. Avant de les citer, peut-être nous dire, pour ceux et celles qui nous écoutent, qu'est-ce qu'être artiste en résidence à la nouvelle scène nationale de Sergi Pontoise ? Est-ce qu'il y a effectivement une différence avec d'autres lieux de spectacle où il y a également des artistes en résidence ? Alors, c'est important cette question des artistes en résidence, parce que je vous rappelle qu'on ne l'a peut-être pas dit. Alors, on a dit Nouvelle Scène Nationale de Sergi Pontoise, c'est le nom provisoire pendant un an avant qu'on trouve un nouveau nom, mais il s'agissait de créer, par ce rassemblement, un grand pôle de création. Et on est toujours dans cette discussion avec les tutelles, qui est importante, et d'ailleurs on évolue, qui demande une évolution des financements, notamment. Et donc, artiste en résidence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les spectacles dont on vient de parler, pour beaucoup, ils sont déjà créés et on les achète. Pour que les spectacles soient achetés, il faut qu'ils soient créés. Et pour qu'ils soient créés, il faut qu'on les produise. Et pour les produire, il faut mettre de l'argent avant. En fait, c'est ça. Donc, du coup, du côté des artistes, et là, on va parler de 3 artistes sur 4 qui représentent ces jeunes générations, ils ont besoin d'être aidés pour fabriquer leurs spectacles. Donc, ils ont besoin des salles de la scène nationale, mais ils ont besoin de moyens en production. Donc, artiste en résidence, ça veut dire ça du point de vue de la création, et c'est nécessaire. Du point de vue du territoire, et c'est très important, nous avons besoin... parce que nous avons parlé des projets participatifs, que les artistes soient présents et qu'ils rencontrent les gens. Et ben, c'est aussi être en résidence. Donc le pacte avec une directrice de scène nationale comme moi, c'est je les aide pour qu'ils produisent leurs projets en leur donnant mes salles à disposition, en leur donnant des moyens, et ils s'investissent sur le territoire. C'est ce que fait Evry Serre, qui est en ce moment en train de parcourir le Val d'Oise à la rencontre des chœurs du département. C'est ce que fait Mélanie Parier, qui est la deuxième artiste, puisqu'on va pour dire... On a introduit ce qu'était un artiste en résidence, cette espèce de pacte. Je l'aide à produire et il s'investit sur le territoire pour rencontrer les gens, ou pour faire de l'action culturelle, ou pour faire des projets participatifs. Donc Evry Serre, c'est cet artiste issu de la tradition jazz qu'on appelle maintenant musique improvisée. Et donc mon rôle, bah, je le fais cette année avec Isabelle Méchani, et j'essaye, Isabelle Méchani, c'est la directrice de festival Jazz au Fil de l'Oise, c'est de donner de la place aux nouvelles générations d'artistes dont Eve fait partie. Voilà, on fait la même chose en danse avec Mélanie Perrier. Mélanie Perrier, c'est une chorégraphe qui montrera Care, qui est un spectacle formidable sur le soin, vraiment magnifique, j'ai vu en Avignon. Bah, c'est une jeune artiste, pareil, elle a besoin de la salle, elle a besoin d'être moyen en production. Et elle s'investit fortement avec l'école d'art, avec les lycées dans l'Oise. Et donc ça, c'est très important, puisque en fait, ces artistes nourrissent, contribuent, enfin, sont les artistes présents dans tous les dispositifs. Et ça crée, j'ai envie de dire, un espèce de jeu fructueux entre public, création. Et c'est absolument nécessaire que ces lieux existent. Un metteur en scène, Frédéric Sontag. Frédéric Sontag, il est auteur et metteur en scène. Donc moi, je l'ai connu à Montreuil, où il est également artiste en résidence. Bah, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de progresser dans son œuvre. C'est quelqu'un qui travaille sur les idéologies européennes, qui a imaginé une trilogie à travers un personnage qui s'appelle Beethoven. Et l'avantage, puisqu'on est quand même dans la continuité du théâtre 95, c'est qu'il est auteur et metteur en scène. Et que donc lui, évidemment, nous allons le soutenir pour ses projets actuels et futurs, mais il va s'investir, alors là, très clairement, à l'université, au conservatoire régional, sur la question de l'écriture. Et nous allons monter un dispositif de résidence territoriale tout à fait innovant qui croisera un lycée et l'université. Qui est du coup aussi une autre manière de travailler avec les jeunes sur le lien entre lycée et université. Donc voilà trois exemples assez révélateurs. Parmi ces quatre artistes en résidence, un nom connu sur le territoire, Joël Dragutin, qui poursuit son travail de création. Tout à fait. Alors Joël, qui donc était l'ancien directeur du Théâtre 95, dont je voudrais dire ici, là, qui m'a extrêmement bien accueilli, ben, le pacte, c'était que je devenais directrice. Et que lui restait en résidence. Et donc, du coup, en effet, bah, Joël, il s'investira également sur le territoire. L'année prochaine, il s'attaque à une pièce, Moi, Daniel Blake, de Ken Loach. Je trouve ça formidable parce que je pense qu'il a voulu intégrer une dimension importante pour moi, qui est finalement bah, le lien des arts avec la société. Et que Ken Loach, comme vous le savez, bah, c'est le metteur en scène de cinéma qui travaille sur la question du sort des travailleurs en Angleterre. Et le sort des travailleurs en Angleterre. Une question sociale particulière. Voilà. Hein. Ça fait un peu écho à Beyond Caring. Et que donc, du coup, je trouvais que c'était une excellente idée qu'il se lance sur ce terrain-là et que Joël, même si nous ne nous connaissions pas, on s'entend très bien et qu'il a à cœur de prendre sa place dans la singularité du projet et que nous sommes donc en très bonne relation et qu'il s'associe aussi à ce cœur d'artiste pour créer du lien avec les gens, ce qu'il a fait depuis des années et que de ce point de vue-là, on peut considérer que c'est une personne ressource. Quand on dit artiste en résidence, le parcours, c'est 3 années. Oui, ça peut être 2 ou 3 ans, ça dépend selon les envies, les besoins. Pas moins de 2 ans en tout cas, pour les résidences longues. Parce qu'on peut considérer que certains artistes sont artistes en résidence à la saison. C'est le cas d'Anaï Joao, d'Atlas, quand ils font plusieurs projets dans la saison. Feriel Bakouri, on se retrouve dans un instant pour une dernière partie de cette émission. Nouvelle scène nationale, l'émission. C'est chaque deuxième mercredi du mois de 19 à 20h. Émission également rediffusée dans son intégralité le samedi suivant de 9h à 10h sur les ondes de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net. C'est sans limite et sans frontières. Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2 et radio-rgb.net. cette émission n'avait pas l'ambition de tout vous révéler dans les moindres détails la programmation de cette nouvelle saison, car elle est abondante finalement pendant toute cette période 2018-2019. Nous souhaitions vous proposer et vous signaler les grands temps forts, les partis pris aussi et les propositions essentielles que vous allez retrouver, voire les nouveautés à l'affiche de cette nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise. L'heure peut-être pour la directrice Feriel Bakoury de nous parler du week-end d'ouverture de saison qui va être un moment très attendu par l'ensemble des habitants de ce territoire et des territoires voisins pour partager durant 3 jours un week-end d'ouverture dont on va se rappeler, j'en suis certain, avec une promenade pour ouvrir la saison qui sera proposée dans différents espaces sur ce territoire. Une promenade pour ouvrir la saison. Pourquoi d'abord avoir imaginé cette ouverture de saison sous cette forme ? Alors, plusieurs enjeux. D'abord, montrer l'ensemble des espaces. La scène nationale, c'est 3 lieux, faut se le redire. C'est le Théâtre 95, c'est le Théâtre des Arts, pour l'instant, et c'est les Louvrais. Et donc, je trouvais important que, d'abord, pour ma première saison, il y ait un week-end d'ouverture qui inclut la présentation de saison et qu'on puisse se promener sur ces 3 lieux. Ensuite, il y avait un deuxième enjeu, c'est le rapport entre l'intérieur et l'extérieur et l'espace public, puisque dans mon projet initial, il y avait un projet qui s'appelle Festival des territoires que je n'ai finalement pas gardé parce que j'ai considéré que la question de l'espace public devait être traité par des projets qui ont lieu tout au long de l'année et que là, quand même, il était important de faire un écho à un autre partenaire, Cergy Soie, et que Cergy Soie arrive une semaine avant ce week-end d'ouverture. On a très bien travaillé avec la ville de Cergy à ce sujet, avec une coprogrammation. Et donc, du coup, cette programmation du week-end d'ouverture, elle inclut évidemment la présentation de saison, mais elle inclut la découverte de formes, d'œuvres qui sont tout à fait inédites. Donc, la lune de Luc Jéram, qui est une lune absolument extraordinaire, qu'on a vu apparaître partout dans le monde, qui est une forme plastique de Luc Jéram. Donc, j'en dirai pas plus. Faudra aller la voir. Surprise. Voilà, surprise. Que cette lune, vous pourrez la découvrir à l'extérieur, mais à 2 endroits différents. Une fois à Cergy Soie, une fois pendant le week-end d'ouverture, et que la caractéristique de l'ouverture, c'est qu'on pourra entendre les rêves des Cergy Soie recueillis pendant Cergy Soie et d'autres lieux, avec À l'ombre des ondes, et que vous pourrez entendre les rêves des Cergy Soie sous la lune, puisque c'est le soir que nous entendrons les rêves des Cergy Soie sous cette lune, et que l'idée là encore, c'est évidemment en écho à Atlas également et à ces projets participatifs dont on parlait au début, d'entendre la voix des habitants dans les projets artistiques à travers des projets qui sont pleinement artistiques, c'est-à-dire des artistes qui pensent leurs projets avec des gens et des gens encore différents. En plus, là, sur le thème des rêves, ce qui est assez exceptionnel et pour une expérience auditive forcément insolite, collecte de rêves à l'ombre des ondes, ça nous parle très directement à nous, gens de radio. Voilà. No Border aussi. Alors oui, No Border, c'est une lecture par Nadège Brugnard de son texte qui est écrit pour Guy Alouchery, parce qu'après avoir arpenté la jungle de Calais pendant plus de 2 ans à la rencontre du monde des exilés, ils ont créé cette forme qui est aussi, alors j'aurais dire, une référence à mon projet, puisque c'est là qu'on retrouve la question des exilés, des réfugiés, avec ce travail que j'aime beaucoup, moi, de culture commune, Guy Alouchery et de Nadège Brugnard. Donc ça, c'est... Alors, j'ai envie de dire, pour parler de Cergy Soie, Nadège Brugnard, c'est vraiment une proposition de Border de Cergy Soie. La Lune et À l'ombre des ondes, c'était une proposition de ma part, comme quoi on a été tout à fait, comme avec l'Observatoire, capable de travailler ensemble à des thématiques communes et à des enjeux communs, qui étaient des enjeux artistiques et des enjeux politiques et philosophiques. En bonne intelligence. En bonne intelligence, et ça s'est fait très bien. Et donc, du coup, peut-être que ce qui est important de dire, c'est comment on va retrouver ces œuvres dans le temps. Donc, le vendredi, vous pourrez entendre À l'ombre des ondes. On commencera comme ça. Puis vous aurez la présentation de saison qui aura lieu dans le Théâtre 95 à Visconti. On ouvrira la seconde salle à Rent s'il y a beaucoup de monde, ce qu'on souhaite. Puis à nouveau, vous pourrez avoir À l'ombre des ondes à 21h30 sous la lune. Et alors là, on sera dans le noir. Ça sera quand même assez joli. Et puis ensuite, un peu de fête avec le Quartet Jazz, qui est un super quartet jazz au Café de la Plage, le fameux Café de la Plage avec qui aussi on discute beaucoup autour des temps forts et celui-là en premier. Puis le samedi 29, vous retrouvez à l'ombre des ondes à 17h, No Border dont nous venons de parler à 18h, re à l'ombre des ondes, et puis, enfin, on finit sur le fameux Atlas dont j'ai beaucoup parlé, et je crois, José, qu'on entend des interviews prises par vous à la première réunion Atlas. Absolument. Donc du coup, je vais peut-être pas redire que c'est le projet avec 100... Une centaine, une centaine de personnes. On en cherche encore et on cherche notamment des jeunes. Voilà, on peut encore le dire. On en cherche environ 30. Alors, peut-être justement, restons un instant sur Atlas. Est-ce qu'on peut peut-être déjà nous proposer deux premiers sons, peut-être, pour voir un petit peu, à entendre des expressions d'habitants qui ont participé à la première rencontre il y a de cela quelques jours. C'était le 7 juin au Théâtre des Louvrets à Pontoise, pour expliquer un petit peu leur motivation, les raisons pour lesquelles ils vont rejoindre cette aventure humaine tout à fait inédite. Alors moi c'est Christine, hein, je suis native de Pontoise et oui j'ai tout de suite accepté le projet déjà dans ma tête lorsque j'ai reçu le flyer. Parce que je pense que c'est très important justement et qu'on va pouvoir tous ensemble créer un petit groupe qui va favoriser la communautarité dans Pontoise et sa région, parce que j'aurais compris qu'il y aurait des personnes d'autres villes. Et pour moi, c'est une très belle expérience à vivre, d'autant que j'ai une petite expérience des planches il y a très longtemps. Et justement, ce qui me plaît dans ce projet, c'est qu'il ne faut pas avoir d'expérience. Donc pour moi, c'est d'autant mieux de pouvoir ainsi m'exprimer et partager tout ça avec plein de personnes de très différents horizons. Je m'appelle Alexandre Béot, je suis fondeur. Pour résumer le métier, je prends du métal, je le fais fondre et en le versant dans un moule, ça lui donne une forme. Un métier qui n'est pas forcément dans le quotidien d'un théâtre et d'une aventure collective que vous allez rejoindre dans un atelier. On est plutôt seul. Effectivement, je travaille tout seul. C'est un peu lié parce que je travaille quand même avec quelques artistes. Initialement, c'est une amie qui nous a donné le flyer à moi et ma compagne. Elle nous a dit « Tiens, ça pourrait vous intéresser. » Alors, on est curieux, on vient, ça a l'air intéressant. L'idée du partage, de rencontrer des gens différents. Et puis l'idée est venue aussi de communiquer sur le métier parce que la fonderie, c'est assez peu connu. Ça gagne à être connu. Donc autant faire la promotion de ce qu'on aime et de nos passions. Et puis enfin, là, en discutant sur le plateau avec tout le monde, ça m'a un peu rappelé l'ambiance qu'on avait eue. J'ai participé en tant que figurant à un clip. Et on était beaucoup, on était une cinquantaine de figurants qui venions de tous les horizons. Et on a gardé comme ça contact plusieurs années durant sur Facebook, parce qu'on avait vécu cette aventure ensemble. Et ça, c'était quelque chose d'assez fort. Si on peut recommencer l'expérience, je suis partant. Willy Lowat, donc je suis animateur au sein du quartier des Louvrets. Je m'appelle Riyad Bendali et je suis coiffeur et donc responsable d'un salon de coiffure à Pontoise, à côté. Moi, j'étais agréablement surpris parce que déjà la présentation, j'ai trouvé une présentation assez rigolote des gens, leur perception et l'envie de partager avec d'autres leur histoire. Et un peu intrigué pour voir comment ça allait se dérouler de toutes ces 100 personnes pour le mettre en scène. Donc, impatient et intrigué. Pour le coiffeur, c'est pas tous les jours que nous allons pouvoir découvrir un coiffeur qui d'ailleurs va parler aussi de son métier sur une scène nationale comme ici à Cergy-Pontoise. Qu'est-ce qui vous a décidé pour rejoindre cette aventure ? C'est un petit peu pareil que pour mon camarade Willy, c'est-à-dire que je suis agréablement surpris et puis c'est l'aventure humaine qui m'intéresse, c'est la surprise, c'est la curiosité de savoir du déroulement des choses, de la façon dont on va chacun parler de son métier, où j'espère en parler le plus drôlement possible, je veux dire, prendre beaucoup de recul et pas trop prendre ça au sérieux tout en travaillant sérieusement pour ce projet, mais être très excité à l'idée d'avoir des répétitions et puis d'avoir à écrire des choses assez drôles et de participer dans un projet en face de chez moi, le quartier dans lequel j'ai grandi, où j'habite depuis 46 ans. Et pour être honnête, j'habite à peine 100 mètres du théâtre en fait de chez moi. Je le vois pas parce qu'il y a un immeuble qui gêne, mais je suis un enfant de ce quartier. J'ai assisté à des quarantaines de fêtes de quartier ici depuis les années début 70. Donc je suis vraiment excité à l'idée à la clôture de ma carrière, par exemple professionnelle, puisque je suis coiffeur et je pense l'être jusqu'au bout. Et donc me présenter la clôture de ma carrière professionnelle sur mes terres, c'est une fierté, c'est tout simplement, c'est magique. Voilà de quoi peut-être donner l'envie à ceux et celles qui nous écoutent, qui hésitaient à rejoindre cette aventure et cette expérience unique d'Atlas. Je rappelle que la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise recherche encore quelques personnes pour participer à cette aventure. Ils seront au nombre d'une centaine. Pourquoi pas vous ? Eh bien, le message, il est entendu. J'espère que vous le partagerez et que vous passerez à l'acte pour les les jours qui viennent, parce qu'il est encore possible, à l'heure où nous diffusons cette émission, de vous inscrire, de rejoindre cette aventure d'Atlas, qui sera donc sur scène Feriel Bakoury le samedi 29 septembre à 20h30 et le dimanche 30 septembre à 16h, et tout cela au Théâtre des Louvrets à Pontoise, dans le cadre de ce week-end d'ouverture de saison et de présentation de nouvelles saisons. Donc un temps fort à ne pas manquer, et ça sera effectivement un indicateur fort de la saison nouvelle. C'est bien ça l'esprit ? Tout à fait, mon cher José. Je suis contente d'entendre ces témoignages que je n'avais pas entendus, que tu as prolongés en bon journaliste que tu es après la réunion. Hein, où ils disent quand même qu'on a été sympathiques, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi. Ils m'ont dit, votre équipe, vous êtes marrant, vous êtes jeune, vous êtes sympathique. Ils m'ont demandé d'où je venais d'ailleurs. Et donc j'ai trouvé ça assez sympathique. Mais c'est vrai que quand on les entend, parce que à la réunion, on va se le dire, Josette y était. Enfin, tout d'un coup, j'ai trouvé intéressant de leur donner la parole pour leur dire pourquoi vous venez. Ils ont tout de suite parlé, ce qui est rare dans une réunion comme ça. Les plus jeunes ont eu plus de mal que les plus âgés. Mmh. Et là, je vois que tu as fait un très bon travail d'approfondissement où ils livrent de manière assez intime leur motivation et qu'il est quand même, j'allais dire, dans une société qui se divise et qui peine, heureux de voir que des artistes ont besoin de rencontrer des habitants et que certains habitants ont des choses à raconter, leur vécu. Et que là, c'est vrai que c'était intéressant, ces témoignages. Merci. Il est temps d'aborder la conclusion de cette émission. Comme à l'habitude, pour toute information et surtout pour les réservations, pour les tarifs, les abonnements, les passes jeunes, j'ai vu deux passes jeunes dans cette nouvelle saison. Pour toutes ces informations, vous devez composer le 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 deux fois. Allez sur le site internet de la nouvelle scène nationale, qui sera donc ce site ouvert à partir du 15 juin, réflexions et informations précisées, à partir du 15 juin sur le nouveau site, le www.nouvellescenenationale en un seul mot, toutattaché.com. L'ancien site, c'était l'apostrophe .net, c'est bien ça, de mémoire, le www.l'apostrophe.net. Ce site vous renverra vers le nouveau site. Autre information. Oui, dire qu'évidemment, il y a des passes jeunes et qui sont particulièrement mis en avant, mais vous retrouvez la structure des abonnements pour tous, et que c'est vrai que la prise d'abonnement, c'est maintenant, et que si vous avez envie d'avoir les spectacles qui vous plaisent, comme on est quand même obligé de faire des quotas, on vous engage à lire cette brochure, à regarder ce site avant l'été. Et j'ai envie de dire que la présentation de saison sera un petit plus, puisque vous voyez qu'elle sera là et que les artistes seront là, mais c'est mieux de se prononcer avant l'été, parce que certains spectacles sont déjà très demandés et qu'il n'y a pas que des passes jeunes. Mais dernière chose sur les jeunes, puisque José nous a dit, elle est super ta brochure, mais peut-être que les jeunes ne liront pas tout. Il y aura des dépliants jeunes à la rentrée, et il faut le dire, puisque c'est vrai que cette brochure, elle s'adresse aux habitués de théâtre et qu'ils y retrouveront ce qu'on vient de décrire, et que les jeunes auront des flyers un peu plus particuliers et un petit peu plus léger et adapté, que nous diffuserons dans des endroits bien ciblés. Voilà. Merci, merci Feriel Bakoury pour avoir participé à la totalité de cette émission. Merci à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission. Remerciements également à Damien Gissa pour la réalisation technique. Émission qui sera rediffusée samedi prochain, c'est le 16 juin de 9h à 10h sur RGB, sur le 99.2 FM, mais également sur internet au www.radio-rgb.net, puis ensuite disponible en podcast à cette même adresse, à votre convenance, jour et nuit, et peu importe l'endroit où vous êtes, puisque c'est sans limite et sans frontières. Votre prochain rendez-vous avec la nouvelle scène nationale, l'émission, c'est pour le mercredi 12 septembre prochain, de 19 à 20h sur RGB, sur le 99.2 FM. D'ici là, je vous souhaite de vous retrouver à la nouvelle scène nationale de Sergi Pontoise, et bien sûr à l'écoute de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM. Très bel été à tous, bonnes vacances et à bientôt. Nouvelle scène nationale, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h, l'émission coproduite par la Nouvelle Scène Nationale de Sergi Pontoise et du Val d'Oise et votre radio locale RGB 99.2. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h.